Hey, Kuja, c'est la mixtape RAP. C'est l'outro. DJ Trico Platine. Hors technique. C'est CL2E, 2L. C'est la mixtape RAP. C'est HMD, c'est HMD.